Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. Et n'approchez pas de la fornication, car c'est vraiment une turpitude et un très mauvais chemin. Islah ul-Umma, réformation de la communauté. Cette affaire, si dangereuse, sème la corruption sur terre et dans la religion. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une polythéiste, et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un polythéiste, et cela a été interdit aux croyants. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahullahu ta'ala. Ce mal qui rend tant de gens malheureux et qui cause tant de désastres, tout cela à cause de ses ardeurs passionnelles. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen. La perversité n'apparaîtra pas au sein d'une communauté au point d'être manifeste sans qu'elle ne se propage en son sein des épidémies et de douloureuses maladies qui n'existaient pas dans les communautés précédentes. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Quant aux gens qui étaient incinérés, nus, dans la bâtisse, qui ressemblait à un fourneau, il s'agissait des fornicateurs et des fornicatrices. Sermon numéro 17, la fornication. Ainsi, ce qui nous intéresse dans ce récit est que ce péché, à savoir la fornication, provoque le châtiment d'Allah dans ce bas monde et dans l'au-delà. Nous demandons à Allah Azza wa Jal que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله toutes les louanges sont à Allah, nous le louons, implorons son secours et nous nous reportons à lui. Et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes, ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint, et ne mourrez qu'en étant soumis. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

Et l'expulsion d'Iblis, le diable, du paradis, n'était due qu'à cette obéissance à Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الله leur dit, à savoir Adam et Hawa, descendez d'ici, c'est-à-dire du paradis. Vous serez avec vos descendants ennemis les uns des autres. Puis si un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera à leur pas, ni ne sera malheureux. En revanche, quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Et il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira, nos versets étaient certes venus, mais tu les as oubliés. Ainsi aujourd'hui, c'est toi qui es oublié. Ainsi sanctionne-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur, et certes le châtiment de l'au-delà est bien plus sévère et plus durable. Et parmi les plus abominables péchés qui sèment le désordre sur terre et la corruption, il y a cet abject crime dont la mise en garde dans le Coran a tant été faite et dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a averti de la façon la plus claire et explicite qu'il soit, à savoir ceux qui ne cessent de se propager à notre époque, semant le malheur et la tourmente, qui provoquent de nombreux troubles et désordres entre les gens et qui est également la cause de l'apparition de nombreuses nouvelles maladies. Il y a cette calamité qu'est la fornication, az-zina, au sujet de laquelle notre Seigneur Allah Azza wa Jalla a dit wa la taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Et n'approchez pas de la fornication, car c'est vraiment une turpitude et un très mauvais chemin. Et la turpitude désigne tout péché dont la grossièreté est aggravée. Et quel mauvais chemin que celui qu'empruntent ceux qui commettent cet acte. Car ce sentier est des plus mauvais, comme l'a dit notre Seigneur Azza wa Jalla. Et la première des missions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son premier appel était dirigé et concentré sur la purification des croyants de ce qui leur faisait défaut, à savoir l'accomplissement des péchés petits et grands. Et parmi ces péchés, il y a zina, la fornication et l'adultère. Ainsi, les gens prêtaient serment d'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le délaissement de la fornication, de même que tout acte qui y mène, comme Allah subhanahu wa ta'ala leur avait commandé. Allah azza wa jalla a dit Ya ayyuhan nabiy, idha ja'aka al-mu'minat yubayi'naka 'ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Ô toi le prophète, quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance sur le fait qu'elles n'associeront rien à Allah, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à la fornication, qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants par peur de pauvreté, qu'elles ne commettront aucune infamie en attribuant à leur mari des enfants illégitimes, et qu'elles ne te désobéiront pas dans ce qui est convenable, alors reçois leur serment d'allégeance et implore d'Allah le pardon pour elles. Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et il a été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, dans le récit de Umm Atiyya radiallahu anha, et ainsi que dans d'autres recueils d'Abd Umayr radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a accepté les pactes d'allégeance des femmes d'après ce verset. Ainsi, le début de la prédication du prophète sallallahu alayhi wa sallam consistait à la purification des âmes, des passions et des ambiguïtés qui s'opposaient au Coran et à la Sunna, la tradition prophétique. C'est donc entre autres sur ce principe qu'il acceptait des muslimounes les pactes d'allégeance de peur pour eux qu'ils ne tombent dans ce dangereux péché qui par Allah garantit au peuple leur destruction. Il a en effet certes été rapporté par Tabarani dans le récit de Abdullah ibn Zayd que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La chose dont j'ai le plus peur pour ma communauté est la zina, la fornication, de même que la passion cachée. » Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a certes mis en garde de nombreuses foi beaucoup de gens contre cette turpitude. Et il n'est ainsi pas anodin que la propagation de cet acte soit un signe de la fin des temps dont on a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à travers la révélation. Il a en effet dit, comme cela a été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques, dans le récit de Abu Huraira radiallahu anhu, l'heure de la fin des temps n'arrivera pas jusqu'à ce que la science soit retirée, et que n'augmente le nombre de tremblements de terre, et que le temps ne soit raccourci, et que n'apparaissent les troubles et le désordre, et que n'augmente l'anarchie, c'est-à-dire les tueries. Et il a également été rapporté par Anas radiallahu anhu, dans d'autres recueils de récits authentiques que ceux d'Al-Bukhari et de Muslim, que les compagnons, les doigts d'Allah et Ali, on dit un jour, ô messager d'Allah, quand arrêterons-nous d'ordonner le convenable et de blâmer le blâmable? Il dit, lorsqu'il apparaîtra en votre sein ce qu'il est apparu dans les communautés qui vous ont précédé. Ils dirent alors, ô messager d'Allah, et qu'est-il apparu au sein des communautés qui nous ont précédés? Il répondit, lorsque le pouvoir sera chez les plus jeunes d'entre vous, et que la perversité sera chez les plus âgés d'entre vous, et que la science sera chez les plus mauvais d'entre vous. Et la parole, et que la science sera chez les plus mauvais d'entre vous, concerne les gens crapuleux qui utiliseront la science à mauvais escient. Et il n'est pas permis d'arrêter d'ordonner le convenable, ni de condamner le blâmable. Mais à l'approche de l'heure de la fin des temps, tellement les troubles s'endurciront et se succéderont par vagues, l'individu craindra alors pour sa propre personne d'ordonner un bien ou de blâmer un mal. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a certes dit, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le dissipe avec sa main, s'il ne peut pas, qu'il le fasse par la parole, s'il ne peut pas, qu'il le fasse avec le cœur, et cela est le degré le plus bas de la foi. Et notre Seigneur Azza wa Jalla a dit, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et que soit issu de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, et ceux-là sont ceux qui réussissent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a de même dit, un groupe de ma communauté ne cessera d'être apparent sur la vérité, ceux qui les abandonneront ne leur causeront aucun tort jusqu'à l'avènement de l'heure de la fin des temps, alors qu'ils seront toujours dans le même état. Il n'est donc pas permis de délaisser l'ordonnance du convenable et la condamnation du blâmable jusqu'à l'avènement de l'heure de la fin des temps, ou plutôt jusqu'à son approche. Mais ce qui nous intéresse dans le précédent récit évoqué est que parmi les signes de la fin des temps, il y a l'apparition manifeste de la fornication. Et certes, la fornication rend légitime le sang du muslim, dont le sang est à la base interdit, c'est-à-dire à la suite d'une sentence juridique. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a en effet dit, le sang du muslim qui témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que je suis le messager d'Allah, est illicite, excepté dans l'un de ces trois cas. Lors de la loi du talion, pour celui qui commet l'adultère, et pour l'apostat qui abandonne sa religion et qui délaisse la communauté. Et dans les deux recueils de récits authentiques, dans le récit de Ibn Mas'ud et de Uthman radiallahu anhuma, lorsque des gens parmi les Khawarij, un groupe rebelle et égaré qui s'apparente à l'islam, associés à d'autres gens, s'étaient rassemblés pour tuer Uthman radiallahu anhu, et avaient voulu semer le désordre dans la communauté, et que ce dernier fût informé de leur complot pour l'assassiner, Ibn Mas'ud radiallahu anhu lui dit alors, Allah te suffit contre eux, ô Amir al-Mu'minin. Uthman dit alors, et pour quelle raison veux-tu me tuer? Certes, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, le sang du muslim est illicite, excepté dans trois cas, quelqu'un qui commet l'adultère, ou quelqu'un qui apostasie après avoir été muslim, ou bien quelqu'un qui tue une personne injustement, qui aura alors pour cela mérité d'être tué. Par Allah, je n'ai jamais commis l'adultère, ni dans l'époque pré-islamique, ni après. Je n'ai jamais apostasié de ma religion depuis que j'ai prêté serment d'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et je n'ai jamais tué quelqu'un dont le sang est illicite. Donc pour quelle raison veulent-ils me tuer? Ce qui nous intéresse ici dans ce récit est le fait qu'il est interdit de tuer un musulman, sauf dans trois cas. Et parmi eux, il y a celui qui aura commis la zina, c'est-à-dire la fornication. Et dans les deux recueils du récit authentique d'Al-Bukhari et de Muslim, dans le récit de Abu Huraira radiallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, pars au Unais, voir la femme de cet homme-là, et si elle reconnaît son crime, alors lapide-la. Cela, après qu'il jugea entre ces deux hommes, dont le fils de l'un d'eux, célibataire, avait forniqué avec l'épouse de l'autre. Et le récit rapporté par Al-Bukhari est long, bien plus long que l'extrait précédemment cité. Parfaitement. Cela est une corruption sur terre, et dans la religion. Et il a certes été rapporté dans le récit d'Ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Le riba, l'intérêt usuraire et la fornication ne sont apparus au sein d'une communauté sans qu'elle n'ait provoqué l'abattement du châtiment d'Allah Azza wa Jalla sur les gens. Et dans le Musnad de l'imam Ahmed, et également rapporté par Darimi dans le récit de Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: ô vous les muhajiroun, je vous mets en garde contre cinq choses si vous venez à être éprouvés par elles, et je demande à Allah qu'il vous préserve de les atteindre. La perversité n'apparaîtra pas au sein d'une communauté au point d'être manifeste sans qu'elle ne se propage en son sein des épidémies et de douloureuses maladies qui n'existaient pas dans les communautés précédentes. Jusqu'à la fin du récit, cette affaire si dangereuse sème la corruption sur terre et dans la religion, parfaitement par Allah. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, enseignait à cet effet à ses compagnons l'invocation de la demande à Allah azza wa jal de refuge auprès de lui contre leur passion et le mal de leur passion, comme cela a été évoqué dans le récit de Shakl ibn Humayd radiallahu anhu. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dis, ô Seigneur, je recherche refuge auprès de toi contre le mal de mon ouïe, ma vue, mon cœur, ma langue et mon sperme. Ce qui nous intéresse ici dans ce récit est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui commanda de rechercher refuge auprès d'Allah contre le mal de son sperme, c'est-à-dire son sexe. Ce mal qui rend tant de gens malheureux et qui cause tant de désastres, tout cela à cause de ses ardeurs passionnelles. Aussi, il a été rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le récit de Abu Umam radiallahu anhu, qui a dit qu'un jeune garçon était venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a dit: ô messager d'Allah, autorise-moi à forniquer. Les gens le réprimandèrent alors durement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur commanda de le laisser. Et il dit: rapprochez-le de moi. Ils le rapprochèrent, puis ce dernier s'asseyait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: aimerais-tu que ta mère fornique? Le jeune garçon dit: non par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les gens aussi ne le souhaiteraient pas pour leur mère. Puis il dit: aimerais-tu que ta fille fornique? Le jeune garçon dit: non par Allah. Il dit: les gens aussi ne le souhaiteraient pas pour leur fille. Puis il dit: aimerais-tu que ta sœur fornique? Le jeune garçon dit: non par Allah. Il dit: les gens aussi ne le souhaiteraient pas pour leur sœur. Puis il dit: aimerais-tu que ta tante paternelle fornique? Le jeune garçon dit: non par Allah. Il dit: les gens aussi ne le souhaiteraient pas pour leur tante paternelle. Puis il dit: aimerais-tu que ta tante maternelle fornique? Le jeune garçon dit: non par Allah. Il dit: les gens aussi ne le souhaiteraient pas pour leur tante maternelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa alors sa main sur le jeune garçon et dit: ô Seigneur, pardonne-lui son péché et purifie son cœur et rends-le chaste. Plus jamais après cela ce garçon tourna son regard vers les femmes. La preuve dans ce récit est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, depuis le début de sa da'wa, mettait en garde contre cette turpitude qu'est la fornication. Et il a également été établi d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le récit de Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, qui a dit: il y avait jadis un homme qui se nommait Marthad ibn Abi Marthad, et c'était un homme qui portait les prisonniers de Mecca, la Mecque, jusqu'à Médine, à Médine. Et il y avait une femme débauchée à Mecca qui s'appelait Anaq, et que ce dernier fréquentait à l'époque de la Jahiliya, l'époque pré-islamique. Et Marthad avait promis à un homme parmi les prisonniers de la Mecque qu'il le transporterait jusqu'à Médine. Il dit ainsi: je le portais jusqu'à arriver sous l'obscurité d'un mur humide de pleine lune. C'est alors que Anaq passa par là. Elle regarda vers l'obscurité du mur, et lorsqu'elle arriva à mon niveau, elle me reconnut. Elle dit: Marthad, est-ce toi? Je répondis alors: oui, c'est bien moi, Marthad. Elle dit: bienvenue à toi, viens donc passer la nuit chez moi. Il lui rétorqua: ô Anaq, Allah a interdit la fornication. Elle s'exclama alors en disant: ô vous les gens de la Mecque, il y a là un homme qui transporte vos prisonniers. Je pris alors la fuite, et huit hommes se mirent à ma poursuite. Puis je me réfugiai dans une grotte. Ces derniers entrèrent dedans jusqu'à s'approcher de l'endroit où je me trouvais sans pour autant me voir. Puis ils se mirent à uriner tout près de moi, mais Allah les avait en fait aveuglés et ils ne m'avaient pas vu. Et ils s'en allèrent ensuite, puis je repartis retrouver mon ami que je portis. Une fois arrivé à Médine, je suis allé voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, puis-je épouser Anaq? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se tut alors et ne me répondit point. jusqu'à ce que soit révélé le verset الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une polythéiste, et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un polythéiste, et cela a été interdit aux croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit alors: ô Martad, le fornicateur n'épouse qu'une fornicatrice ou une polythéiste, et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un polythéiste, donc ne l'épouse pas. La zina provoque la colère d'Allah Azza wa Jalla. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit: trois catégories de gens à qui Allah ne parlera pas le jour de la résurrection et qui ne purifiera pas. Et Abu Muawiya ajouta: et qui ne regardera pas aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: et qui auront un terrible châtiment, une personne âgée qui pratique la fornication, un gouverneur qui ment et un pauvre qui s'est enorgueilli. Il cita donc le vieux qui s'adonne à la fornication alors que ses ardeurs et ses désirs ont diminué avec l'âge. Malgré cela, il continue à aspirer à forniquer. Celui-là s'expose ainsi à la colère de son Seigneur le jour de la résurrection et à ce qu'il détournera son regard de lui, de même qu'à sa purification. Et il méritera alors un terrible châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala a en effet dit: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُرُونَ النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Et ceux qui n'invoquent pas d'autres divinités avec Allah ni ne tuent la personne qu'Allah a interdit de tuer sauf en toute vérité, ni ne commettre la fornication, car quiconque fait cela encourra une punition et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il demeurera en enfer éternellement couvert d'ignominie, excepté celui qui se sera repenti, aura cru et accompli de bonnes œuvres. À cela Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et dans le recueil de récits authentiques d'Al-Bukhari, dans le récit de Samurat ibn Jundub radiallahu anhu, qui a dit: parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tournait vers nous après l'accomplissement de la prière et nous interrogeait en disant: qui d'entre vous a-t-il vu en rêve quelque chose cette nuit? Ainsi, si l'un d'entre nous avait vu quelque chose, il le racontait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Masha'Allah. Et il nous interrogea un jour et dit: l'un d'entre vous a-t-il vu quelque chose cette nuit? Nous répondîmes non. Il dit: moi en revanche, j'ai vu quelque chose. Deux hommes sont venus à moi et me prirent avec eux et m'amenèrent à un endroit. Je vis alors deux hommes, l'un assis et l'autre debout, près du premier, tenant dans ses mains des crochets en fer. Il a été rapporté d'après Moussa que cet homme qui tenait dans ses mains des crochets les entrait par le coin de la bouche de l'homme qui était assis jusqu'à atteindre sa nuque, et qu'il faisait cela avec tous les crochets. Puis sa bouche se cicatrisait et il recommençait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je dis, qu'est-ce donc que cela? Les deux hommes qui m'accompagnaient me dirent: continue ton chemin. Nous partîmes ainsi jusqu'à arriver auprès d'un homme allongé sur sa nuque, et un autre se tenant près de lui avec un rocher qu'il fracassait sur la tête de celui qui était allongé. Puis l'homme allait chercher le rocher qui avait roulé sur le sol, et lorsqu'il était revenu, la tête du premier avait totalement cicatrisé et retrouvé son état initial. Il réitéra alors son geste et fracassa de nouveau la tête de l'homme allongé à l'aide du rocher. Je dis alors: qu'est-ce donc que cela? Les deux hommes qui m'accompagnaient me dirent: continue ton chemin. Nous repartîmes de nouveau jusqu'à arriver auprès d'une cavité tel un fourneau, dont le haut était étroit tandis que sa base était large, dans lequel il y avait des hommes et des femmes tous nus. Un feu était placé sous ce fourneau. Chaque fois que le feu était attisé, les gens qui se trouvaient dans le fourneau brûlaient, s'élevant vers le haut, tellement la chaleur était grande et puissante, jusqu'à presque en sortir. Puis le feu était réduit, et les gens retombaient au fond du fourneau. Puis le feu était de nouveau attisé, et ainsi de suite. Je dis alors: qu'est-ce donc que cela? Les deux hommes qui m'accompagnaient me dirent: continue ton chemin. Nous repartîmes de nouveau. Et à la fin du récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Et quant aux gens que j'avais vus brûler dans le fourneau, il s'agissait des fornicateurs. Et dans le récit d'Abu Umam, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous repartîmes jusqu'à arriver à une bâtisse, tel un fourneau, dont on entendait un énorme vacarme et des bruits. Je m'en suis alors approché. J'y ai alors vu des hommes et des femmes tous nus, et des flammes attisées remontaient à eux du fond. Et lorsque ces flammes les atteignaient, ces gens hurlaient. Je dis alors, qui sont donc tous ces gens? Les deux hommes qui m'accompagnaient me dirent, continue ton chemin. Et nous repartîmes de nouveau. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin du récit, quant aux gens qui étaient incinérés, nus dans la bâtisse qui ressemblait à un fourneau, il s'agissait des fornicateurs et des fornicatrices. Et quant à l'homme qui nageait dans la rivière de sang, la bouche pleine de pierres, à qui chaque fois qu'il s'approchait du bord pour en sortir, un homme lui vidait sa bouche et la remplissait de nouveau avec d'autres pierres, puis lui ordonnait de repartir. Et ainsi de suite, il s'agissait de celui qui mange le riba, l'intérêt usuraire. Et quant à l'homme à l'apparence détestable qui se trouvait dans l'enfer et qui la remplissait, il s'agissait de l'ange Malik, le gardien de l'enfer. Et quant à l'homme de grande taille que j'ai vu dans le pré, il s'agissait du prophète Ibrahim, Abraham, sallallahu alayhi wa sallam. Et quant aux enfants qui étaient autour de lui, il s'agissait de tous les enfants qui sont morts alors que leur nature était encore saine. Des gens parmi les musulmans dirent alors, ô messager d'Allah, et qu'en est-il des enfants des polythéistes? Il répondit, ils en font partie. Et quant aux gens dont une partie de leur corps avait une belle apparence et l'autre était très laide, il s'agissait de gens qui avaient mélangé entre bonnes et mauvaises actions et à qui Allah avait pardonné leurs péchés. Ainsi, ce qui nous intéresse dans ce récit est que ce péché, à savoir la fornication, provoque le châtiment d'Allah dans ce bas monde et dans l'au-delà, et qu'il est de ce fait obligatoire pour quiconque en a la capacité, qu'il s'agisse des gens de la masse ou des autorités, de s'en prémunir par quelque moyen qu'il soit, cela afin de préserver la communauté de la décadence sur terre et dans leur religion, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit, nul ne sera véritablement croyant tant qu'il ne voudra pas pour son frère ce qu'il souhaite pour lui-même. C'est ainsi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela a été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après le récit de Anas radiallahu anhu. Et il a également dit sallallahu alayhi wa sallam, le croyant est pour le croyant tel une bâtisse, il se consolide mutuellement, disant cela en croisant ses doigts. Et il a pareillement à cela dit, les muslimounes dans leur amitié, leur bonté et leur entraide sont-elles un seul et même corps? Si l'un des membres souffrait d'une douleur, l'ensemble du corps s'en plaindrait par l'absence de sommeil et la fièvre. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Amma ba'd. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, nombreux et bénis, ceci étant dit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a exposé que celui qui s'éloigne et se préserve de tomber dans cet ignoble grand péché qui est la fornication et l'adultère, que cela lui garantit son entrée au paradis s'il se sera prémuni de tomber dans les interdits avec sa langue. En effet, il a été rapporté dans le recueil de récits authentiques d'Al-Bukhari, le récit de Sahal ibn Sa'd radiallahu anhu, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, quiconque me garantit de commettre des péchés à l'aide de sa langue et de ce qu'il y a entre ses jambes, c'est-à-dire son sexe, je lui garantis l'entrée au paradis. Et il a également été rapporté dans d'autres recueils de récits, le récit de Abu Huraira, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qu'Allah aura préservé du mal de sa propre langue et du mal de ce qu'il y a entre ses jambes, entrera au paradis. Ce péché fait enlever la foi de celui qui le commet durant son accomplissement, jusqu'à même l'enlever totalement si ce dernier rend cet acte licite, car il a certes été rapporté dans le récit d'Abu Dharr radiallahu anhu, dans les deux recueils de récits authentiques, de même que d'après Abu Huraira et Aïcha radiallahu anhum, dans d'autres recueils, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fornicateur n'a pas la foi lorsqu'il fornique, et le buveur d'alcool n'a pas la foi lorsqu'il boit, et le voleur n'a pas la foi lorsqu'il vole. Et aussi dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, dans le récit d'Abu Huraira radiallahu anhu, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, l'avènement de la fin des temps n'arrivera pas tant que l'homme ne passe pas près de la tombe de quelqu'un et qu'il dise, si seulement j'étais à sa place. Cela indique que l'heure de la fin des temps n'arrivera qu'après l'apparition de grands troubles sur terre et de beaucoup de désordres. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a certes dit à ce propos, comme cela fut rapporté dans le récit de Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, la fin des temps ne se produira que sur les gens les plus mauvais, ceux qui copulent comme des ânes. Et dans une autre version, ceux qui auront des rapports ouvertement à la vue de tous, des gens qui ne porteront aucune attention au fait que soit pratiquée la zina, celui-ci qui entretient des rapports dans l'interdit sans se soucier de rien, et celui-là qui ne le blâme même pas. Il s'agit là des mêmes agissements que ceux qui ont causé la malédiction des mécréants parmi les Bani Israël, les Juifs et les chrétiens. Allah Azza wa Jal a en effet dit le ina alladina kafaru min Bani Israël ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Les mécréants parmi les Bani Israël, les Juifs et les chrétiens, ont été maudits par la bouche de Daoud, David, et de Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas mutuellement ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est certes mauvais ce qu'ils faisaient. Et aussi, dans les deux recueils du récit authentique d'Al-Bukhari et de Muslim, dans le récit d'Ibn Umar radiallahu anhu, et aussi dans celui de Al-Na'man ibn Bashir radiallahu anhu, dans d'autres recueils, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, trois personnes qui vécurent avant nous ont eu envie un jour de passer la nuit dans une grotte. Ils y entrèrent, puis un rocher s'effondra et ferma l'entrée de la grotte. L'un d'eux dit alors, Allah ne nous secourra qu'à condition de l'invoquer par l'intermédiaire de notre plus sincère action pieuse. L'un d'eux dit alors, ô Seigneur, j'avais des parents qui étaient âgés et je ne laissais personne boire le lait avant eux après le repas du soir. Mais un jour, alors que j'étais sorti chercher du bois dans un endroit éloigné, j'ai tardé à rentrer à la maison. Et lorsque je suis rentré, je les ai trouvés tous les deux endormis. J'ai ainsi détesté les réveiller et aussi que quelqu'un d'autre de la famille boive avant eux. Je suis alors resté à leur chevet, le verre de lait dans la main, à attendre qu'ils se réveillent jusqu'au lever du jour. Alors que mes enfants pleuraient de soif à mes pieds, ô Seigneur, si tu sais que j'ai accompli cet acte sincèrement pour ta face, délivre-nous de cette situation. Le deuxième dit à son tour, ô Seigneur, j'avais une cousine que j'aimais plus que tout le monde et avec qui j'avais voulu avoir des rapports, mais cette dernière refusa. Puis un jour, qu'elle était dans le besoin, elle se présenta à moi et me demanda de l'argent. Je lui ai alors proposé de lui donner 120 dinars, à condition que je puisse forniquer avec elle, ce qu'elle accepta. Mais lors du passage à l'acte, elle me dit, il ne t'est pas permis de faire cela. Je me suis alors retiré et l'ai laissé partir avec l'argent, sans avoir commis l'acte avec elle, alors qu'elle était la personne que j'aimais plus que tout le monde. Ô Seigneur, si tu sais que j'ai accompli cet acte sincèrement pour ta face, délivre-nous de cette situation. Le rocher s'écarta encore un peu plus, mais cela ne leur permettait toujours pas de sortir de la grotte. Puis le troisième dit, ô Seigneur, j'avais par le passé employé des gens pour un travail, puis je les ai tous rémunérés, excepté l'un d'entre eux qui est parti sans prendre son salaire. J'ai ensuite fait fructifier cet argent qu'il avait délaissé jusqu'à ce qu'il augmenta grandement. Puis l'homme revint un jour me voir après une longue période et me dit, ô Abdullah, donne-moi mon salaire. Je lui ai ainsi dit, tout ce que tu vois là, les chameaux, les vaches, les moutons, ainsi que les volailles, tout cela est à toi. Il me rétorqua alors, ô Abdullah, ne te moque pas de moi. Je lui alors dis, je ne me moque pas de toi. L'homme prit ainsi tous ses biens et il s'en alla. Ô Seigneur, si tu sais que j'ai accompli cet acte sincèrement pour ta face, délivre-nous de cette situation. Le rocher s'écarta alors complètement, puis ils sortirent de la grotte et s'en allèrent. Donc l'abstinence face à cette turpitude qu'est la fornication, ô serviteur d'Allah, accompagné du tawhid d'Allah, le fait de ne chercher par ce délaissement que le seul agrément d'Allah Azza wa Jal, fait partie des actes les plus méritoires et les plus honorables auprès d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul homme parmi ceux qui restent chez eux et ne partent pas combattre dans le sentier d'Allah ne trahit un autre homme en forniquant avec la femme de ce dernier qui lui était parti combattre, sans que celui-ci se présentera à lui le jour de la résurrection et lui prendra de ses bonnes actions comme bon lui semblera. Vous imaginez-vous donc à cet instant son désir de prendre ses bonnes actions pour son compte. Walhamdulillahi rabbil alamin.